Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Soyons reconnaissants à Dieu et à tous ceux qui nous ont secourus. Soyons reconnaissants à nos bienfaiteurs. Mon ami, mon frère, ma sœur, lorsque tu regardes l'année, tu vois ce que Dieu a fait dans ta vie. Aujourd'hui, tu es béni. Aujourd'hui, tu es véhiculé. Aujourd'hui, tu t'es marié. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'avantages. Mais apprends à être reconnaissant à Dieu. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous prions en nous inspirant du psaume 85. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons le psaume 85. Au chef des chantres des fils de Corée, psaume. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et il imprimera ses pas sur le chemin. Amen. Je voudrais partager avec vous quatre vérités tirées de ce psaume 85. Voici la première vérité. Dieu pardonne nos péchés et nous délivre de la captivité. Oui, ce psaume nous montre que le péché entraîne des conséquences, comme ce qui s'est passé dans la vie de Judas. Nous savons ce qui s'est passé dans l'histoire du peuple d'Israël. Lorsqu'ils ont péché, Dieu les a déportés en captivité. Il a permis qu'une armée étrangère, l'armée des Babyloniens pour le royaume du sud et la Syrie pour le royaume du nord, les ont déportés en captivité. Mais lorsque son peuple se repentit, lorsque son peuple a demandé pardon, Dieu l'a délivré. Je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu vis comme difficulté. Peut-être que tu as été infidèle à Dieu. Peut-être que tu as abandonné l'Éternel et tu vis des moments difficiles, des moments de blocage. Je vais parler à un jeune prophète et regarde bien. Lorsque tu as marche la crainte de Dieu, ton ministère marchait bien, mais à un moment donné tu as ouvert la porte à l'ennemi et aujourd'hui le diable s'est assis sur ton ministère. Répands-toi. Quand tu te répands sincèrement, Dieu est capable de te délivrer encore. Il est capable de te restaurer. Vous voyez ici, il est dit au verset 2, tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de la colère. Oui, c'est là où nous pouvons comprendre la valeur de l'œuvre de Christ sur la croix de Golgotha. Jésus s'est sacrifié comme l'agneau de Dieu, de telle sorte que toute personne qui accepte l'œuvre de la croix, qui s'approche de Dieu pour confesser ses péchés, le sang de Jésus le purifie, le sang de Jésus le lave. Il n'est pas encore trop tard, mon frère. Si tu ne connais pas le Seigneur, repens-toi, repens-toi. Mais si tu connais le Seigneur et que tu l'as abandonné, repens-toi, le Seigneur va te purifier, te pardonner. Je vais parler à une jeune fille. Tu recherches la délivrance. maintenant, tu es toujours opprimé par les démons. Écoute-moi bien. La délivrance n'est possible que lorsque tu vas te repentir. Tu vas reconnaître tes péchés. Cherche un pasteur qui va prier pour toi. Confesse tous tes péchés. Ne cache rien. Ne termine pas l'année avec tout ce que tu as fait. Je sais que tu souffres au-dedans de toi-même parce que tu es lié. Confesse tes péchés. Dieu va te pardonner. Il va te délivrer. Deuxième vérité. Dieu est capable de nous rétablir et de nous faire voir sa bonté et son salut. Quelle que soit la situation que tu connais, tu peux chuter. Peut-être que tu as été un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires. Tu étais prospère. Aujourd'hui, tu as tout perdu. Dieu est capable de te rétablir dans ta première forme. Est-ce que tu comprends? Dieu est capable de rétablir ton ministère. Je vais parler à une dame. Ton foyer aujourd'hui est détruit parce que ton mari t'a quitté. J'aimerais te dire, ne sois pas désespéré. Crois que Dieu est capable de ramener encore ton mari. Et tu vas témoigner que Dieu est tout puissant. Que le Dieu que nous invoquons chaque matin, c'est le Dieu de la restauration, du rétablissement. C'est pourquoi ici les psalmistes formulent cette prière. Verset 5. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut, vous voyez. Rétablis-nous. C'est-à-dire que tout ce que tu as perdu, je vais parler à quelqu'un. Peut-être que tu étais malade. Cette année a été pour toi une année de maladie. Je prophétise et je proclame ton rétablissement, ta guérison au nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, tu es alité. Ça fait des mois, des semaines. Je déclare que le Seigneur te touche maintenant. Au nom de Jésus, les chaînes qui te bloquent sont brisées et Dieu est capable de te rétablir et tu viendras à OSB. Tu viendras témoigner que Dieu t'a touché. Dieu t'a rétabli. Il a rétabli ta santé. Il est capable de le faire. Troisième vérité. Lorsque Dieu nous pardonne, ne retombons plus dans nos péchés et marchons la crainte de son nom. Vous voyez, il y a des gens, quand Dieu le bénit, quand Dieu le pardonne, tu vas voir un homme de Dieu, il prie pour toi. Maintenant, quand ça marche là, tu retournes encore dans les anciens péchés. Vous voyez, Jésus a guéri quelqu'un. Il a dit, va, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive le pire. Vous voyez, ce psaume va dans ce sens, car il dit au verset 9, j'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie, pourvu qu'il ne retombe pas. Il ne faut plus retomber dans ta folie. Je vais parler à une femme. Écoute-moi bien, tu as été infidèle à ton mari. Et tu as failli perdre ton foyer. Et maintenant que vous êtes réconciliés, ne faut plus retomber dans cette ancienne folie. Il faut abandonner ce monsieur qui te courtisait. Il faut abandonner cette dame-là, cette fille qui a failli détruire ton foyer. Ne retombe plus dans la folie, parce que c'est ce qui a entraîné le chaos dans ta vie, dans ton travail. Verset 10 dit, oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Vous voyez, lorsque nous marchons la crainte de Dieu, Dieu va faire venir la gloire. La gloire va habiter dans notre pays. La gloire va habiter dans notre maison. La gloire va habiter dans notre famille. La gloire va habiter dans notre église. Quatrième vérité, sachons faire l'équilibre entre la justice et la paix. Vous voyez, les deux attributs divins sont des attributs apparemment contradictoires. Mais nous devons savoir que Dieu, c'est le Dieu de l'équilibre. Nous aussi, nous devons savoir faire cet équilibre. Vous voyez, même dans plusieurs pays, on parle souvent de la justice et de la paix. Oui, la justice fait que lorsque quelqu'un, par exemple, a fauté, on va le punir, on va le mettre en prison, on doit le juger. Ça, c'est bien. Ça, c'est la justice. Mais en même temps, la paix veut prôner la réconciliation, veut prôner le pardon. Donc, il faut que nous sachions faire l'équilibre entre ces deux. Vous voyez, ce psaume dit ceci au verset 11. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Donc, à un moment donné, la justice et la paix doivent s'embrasser. C'est-à-dire concourir à notre bien, concourir à la restauration d'une nation, concourir à la restauration d'une famille, concourir à la restauration d'une communauté, d'une église qui est déchirée. La justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur les chemins. Vous voyez, c'est ce qui se passe. dans la vie du peuple de Dieu. Dans sa justice, lorsque son peuple pêche, Dieu peut le corriger. Lorsque Israël a péché, sa justice a fait que Dieu l'a puni. Il a été déporté en captivité. Mais en même temps, la paix veut que Dieu puisse pardonner son peuple, puisse rétablir son peuple. Donc, il y a toujours cet équilibre entre la justice et la paix. Quand vous privilégiez seulement la justice, il y aura un problème au niveau des paix. Lorsque vous privilégiez seulement la paix sans la justice, il y a un problème, il y a déséquilibre. Donc, à un moment donné, nous devons chercher cet équilibre pour que la justice et la paix s'embrassent. Oui, je vais dire à quelqu'un, à un couple, vous êtes au bord du divorce. Toi, monsieur, tu dis, j'ai toutes les raisons juridiques pour divorcer d'avec ma femme. Oui, ça c'est le côté justice. Peut-être que tu as ton avocat t'a dit, voilà, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Mais il faut voir aussi ce que la paix veut. Le Dieu de paix veut que tu puisses pardonner à ton mari, puisses pardonner à ta femme, pour que vous puissiez vous réconcilier. Il faut qu'à un moment donné, la justice et la paix s'embrassent. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses et à expérimenter sa grâce. Nous allons le louer, nous allons le célébrer. Chantons ces cantiques. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que Jésus-Christ est Dieu. Il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Oh, il nous a donné la paix. Il est bon. Il nous a donné la joie. Il est bon. Il nous a donné la paix. Il est bon. Il nous a donné la gloire. Il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Sachez que Jésus-Christ est Dieu. Il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Quand j'étais malade, il m'a guéri. Il est bon. Humilié, il m'a consolé. Il est bon. Abattu, il m'a relevé. Il est bon. Je ne cesserai jamais de louer son nom. Il est bon. Il m'a fait la grâce de le chanter. Il est bon. Il m'a fait la grâce de le louer. Il m'a fait la grâce de le connaître. Il m'a fait la grâce de l'adorer. Il m'a fait la grâce de le louer. Voyez, voyez, comme il est bon. Voyez, voyez, comme il est bon. Voyez, voyez, comme il est bon. Voyez, voyez, comme il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est le père des orphelins. Il est bon. Il est le père des orphelins. Il est bon. Il est aussi le mari de la veuve. Il essuie les larmes des opprimés. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Il a donné son fils pour moi à la croix. Il a donné Jésus pour moi à la croix. Son sang a coulé, son sang est versé. Son sang a coulé pour me donner la vie, la vie, la vie. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. à lui, venez à lui, venez à lui, venez à lui, il est l'éternel, il est bon. Je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme danse de joie. Mon âme loue Jésus-Christ. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme danse de joie. Le Seigneur le véritable. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme célèbre celui qui t'a libéré, celui qui t'a sauvé. Gloire à Dieu, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Élevons ensemble nos voix, bénissons le Seigneur pour toutes ces vérités. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB qui est produite à partir d'Abidjan sur la nationale des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire, appelée la radio Fréquence Vie. Au microphone, votre serviteur Dieudonné Ngoumbi. Aujourd'hui, nous prions en nous inspirant du psaume 85. Nous encourageons tous ceux qui reçoivent OSB par WhatsApp à partager avec plusieurs personnes, avec des amis, avec les parents. Et si cette émission vous fait du bien, nous serions intéressés d'avoir de vos nouvelles et surtout de témoignages qui montrent que vous avez été restaurés, vous avez été bénis par OSB. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Prions le Seigneur pour que tous ceux qui ont péché se repentent. Et ceux qui ont des problèmes de captivité, des problèmes de liens, qui soient délivrés, mais qui confessent sincèrement leurs péchés pour que Dieu les délivre. Parce que nous venons de voir que Dieu pardonne le péché et nous délivre de la captivité. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. Oh, oui. Nous te bénissons, nous te glorifions et nous magnifions ton saint nom, Père éternel. Nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés ce matin. Ce n'est que par ta grâce. Nous prions ce matin pour tous ceux qui ont péché, tous ceux qui sont détournés de tes voies. Père, que ta grâce se manifeste dans leur vie, afin qu'ils se repentent, afin qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Nous prions au Père éternel, afin qu'ils puissent se retourner véritablement vers toi pour demander pardon. Ta parole déclare que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous nous identifions, Père, à nos frères, à nos sœurs qui ont accepté ton Fils Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui ont abandonné ses voies. Nous demandons pardon au Père éternel, que dans ta bonté, dans ta miséricorde, tu aies les regards tournés vers eux et que tu leur accordes cette grâce. Nous prions aussi au Père éternel pour tous ceux qui ont été abattus, pour tous ceux qui sont frustrés, pour tous ceux qui sont sur le point d'abandonner à cause des péchés qu'ils ont commis, à cause des transgressions qu'ils ont commises. Nous demandons, Père éternel, que ta miséricorde se manifeste dans leur vie. Lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Nous disons merci pour toutes choses, ô Père éternel, parce que tu nous as appelés pour contribuer à l'avancement de ton œuvre. Merci parce que nous avons l'assurance que nos péchés confessés ont été exaucés par toi. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu puisse rétablir ses enfants qui sont tombés en faillite, qu'il puisse rétablir les commerçants, les hommes d'affaires, ceux qui ont perdu leur emploi, les couples qui se sont disloqués, les couples qui sont en difficulté, les familles qui sont divisées, que Dieu puisse les rétablir en faisant cette prière. Rétablis-nous, ô Dieu, fais-nous voir ta bonté et ton salut. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père. Élévation à toi, le Dieu véritable. Merci, Seigneur. Tu nous as donné un sauveur. Tu nous as donné Emmanuel, Dieu avec nous, par ton esprit. Tu nous avons également ta parole. Beaucoup de tes enfants sont en faillite au niveau de la société, au niveau des affaires, au niveau du foyer. Rien ne va, Seigneur. Et nous allons entrer dans une nouvelle année. On veut aller avec la joie. Nous venons de fêter la Noël. Seigneur, nous t'en supplions. Visite ces foyers. Visite ces entreprises. Visite ces familles. Visite tes enfants qui sont en train de pleurer. Beaucoup qui sont malades. Dieu Tout-Puissant, nous t'appelons au secours. Rétablis tes enfants. Guéris tes enfants. Restaure tes enfants. Tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Vers qui pouvons-nous aller? C'est vers toi. Nous sommes environnés, notre Dieu, notre Père, des spirites, des médiums. Nous sommes environnés des occultistes qui nous proposent la facilité. Seigneur, soutiens tes enfants qui pleurent et suis les larmes. Et suis les larmes de ta fille qui pleure, de ton enfant qui gémit, qui soupire, qui gêne, qui veille. Manifeste ta gloire, rétablis, restaure. Et sur les larmes, relève, encourage, fortifie, délivre, libère, mets au large, Seigneur, réconcilie au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que nous sachions faire l'équilibre entre la justice et la paix. Oui, cet équilibre, nous en avons besoin, surtout dans nos nations où nous avons des problèmes, des rébellions, des problèmes de justice, des problèmes de jugement. Prions pour que, non seulement au niveau du pays, mais aussi même dans la famille, où parfois nous avons des procès autour de l'héritage, pour que la justice et la paix s'embrassent. Pour que nous sachions aussi considérer la justice, mais aussi que nous puissions considérer le côté paix, le côté réconciliation. Parce que ce psaume dit que la justice et la paix s'embrassent. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Dieu notre Père, ce matin encore nous venons à toi parce que tu es un bon Père qui n'abandonne pas ses enfants. Tes promesses sont oui et amen. Et nous avons vu tout au long de ce mois et tout au long de cette année ta fidélité. Malgré tout, tu nous as soutenus. Tu as manifesté tes bontés à notre égard. Tes compassions n'ont point été épuisées. Et chaque jour, le Dieu de paix, Jésus-Christ, a été notre force. Il est notre Père. Et la paix qui surpasse toute intelligence nous a été communiquée depuis le ciel dans nos cœurs et dans notre famille et même dans ce pays. Et toujours et vivement, par l'Esprit du Seigneur, nous appelons les cœurs troublés, inquiets à recevoir cette paix qui vient de Christ, cette joie qui vient de Christ, cette quiétude qui vient de Christ, cette justice qui vient de Christ. Là où il y a le désordre, là où il y a la mésentente, l'incompréhension, la discorde, la division. Saint-Esprit, nous te prions d'agir, de toucher les cœurs, que les cœurs orgueilleux deviennent des cœurs de chair et que, papa, tes vertus de paix, de justice, tes vertus d'intégrité, tes vertus de sagesse soient l'objet, oh Dieu, de nos pas, de nos idées, de nos actions. Merci de fortifier la foi de quelqu'un. Merci d'aider quelqu'un. Merci de restaurer la vie de quelqu'un. Merci de guérir quelqu'un. Merci de toucher la vie de quelqu'un. Et merci d'orienter dans cette saison la vie de quelqu'un. Et merci pour tes bienfaits encore aujourd'hui. Et merci pour ta préservation. Merci pour ta bonne main qui nous conduit dans toutes nos tâches. Partout nous serons. Et merci, merci encore pour ta gloire qui se manifeste encore dans notre vie en cette fin d'année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous attendons demain, samedi 28 décembre 2019. C'est le grand jour spécial OSB d'Action des Grâces. Venez tous à la mission Ephrata, sur la route des Faya. Vous descendez au carrefour Nouveau Goudron et puis vous marchez juste quelques minutes et vous allez trouver mission Ephrata. Lorsque vous descendez, vous allez du côté de gauche. Oui, les portes seront ouvertes à partir de 6h. Mais à 8h30, nous commençons. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. Faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration.